Virgile à Bordighera par André Bonnier. Dimanche à Bordighera, dans un verger d'olivier, j'ai rencontré Virgile Montouan. Je m'étais promené dans la ville neuve à la ville ancienne, par les avenues magnifiques de palmiers, de dattiers, de pins maritimes, et au travers de ces jardins extravagants qui s'inclinent vers la mer et s'étendent sous le soleil avec une ardeur nonchalante. La ville neuve est toute blanche, comme pour accueillir plus de lumière et de chaleur au mois d'hiver où fleurit le mieux, en ces lieux privilégiés, le paradoxe des climats méditerranéens. La ville ancienne escalade la rude pente d'une colline et se tapit dans l'épaisseur de murs antiques qu'elle a creusés dans les ruines de forts bastions. Les ruelles, abruptes et sordides, étroites, protègent contre les fureurs de l'atmosphère torride ou venteuse le loisir d'une ville population. Bordighera, tout près de France, est déjà l'Italie à merveille. Elle ressemble, en ses vieux quartiers, à telle petite ville d'Ombrie, telle bourgade tassée au flanc des Apennins, où les pierres bâties ont tous les âges variés de l'histoire. Et il y a des chemins charmants, bordés d'aloès et de mimosas, d'autres poudreux et déserts, où est évocateur d'églogues siciliennes un olivier solitaire au pied duquel broute une chèvre. Je m'arrêtais en ce verger que je disais. Les oliviers y étaient plantés de façon régulière. Leur fût sec et trapu comme musclé portait la chevelure abondante et remuante des feuilles grises, argentées. L'herbe du sol, une herbe pauvre, contentait un petit troupeau que gardait un jeune garçon. Et la clôture de ce verger était le reste d'une muraille aux trois quarts démolie, ses décombres à côté d'elle. Soudain, le gardeur de chèvres, couché par terre, se mit à chanter, d'une voix rauque et bien rythmée, d'une voix forte et lente, d'une voix qui traîne aux syllabes et qui s'amuse d'elle-même. Je ne sais pas ce qu'il chantait. Et bientôt il se tut. Une autre voix lui répondit. Celle-ci venait d'un autre verger, sans doute peu éloigné, mais on ne voyait pas le chanteur. Cette voix se tut comme la première, qui alors reprit la chanson. Et ainsi, pendant quelque temps, alternèrent les couplets analogues, tantôt un peu plus langoureux et tantôt un peu plus gaillard. Puis se turent les deux voix, la moins proche ayant eu le dernier mot. De nouveau régna le silence, orné de lumière et d'une odeur de lavande. J'ai cru que j'avais entendu se donner la réplique du chant Tityre et Mélibée, les pâtres de Virgile. C'est alors que m'apparut Virgile, non pas tel que l'on couronnait de lauriers les poètes et les sculpteurs, mais comme je me figure qu'il était vers le temps où, ayant quitté à regret le champ saccagé de son père, il vint à Rome, adolescent au noble et beau visage, au teint brun sous les cheveux désordonnés et aux yeux larges, tristes et doux. Sa courte tunique, d'une lanière serrée à la taille, dessinait son svelte buste, et il avait une allure indolente de jeune homme mélancolique et de sage désabusé. Je lui dis « Oh Virgile, aujourd'hui comme jadis, les pâtres d'Italie chantent et alternent les couplets de leurs chansons. Des chariots chargés d'herbes et de fruits portent la campagne vers la ville. Le paysage est le même. La silhouette fine et noire d'un cyprès parmi les frondaisons pâles est la grâce de cet horizon. Et dans ce verger d'oliviers, clos de ruines, tes mâts ne retrouvent-ils pas le souvenir de tes journées enfantines ?» Il me répondit. Ne va pas célébrer la nature immobile et comme entêtée de mémoire. Il n'est de nature et il n'est de paysage que ceux que voient au cours des âges les yeux humains. Et l'effort que font tes yeux à toi pour regarder, ainsi que le regardait ma jeunesse, un verger d'olivier sous le soleil, n'empêchera pas que ses yeux ne soient pas occupés de tout le regard des siècles divers et nombreux. Cède à la spontanéité de ton âme nouvelle et si vieille. Ta curiosité préfère en ce pays le riche entassement des arbres singuliers, dont les noms mêmes divertissent ta pensée, et l'appellent en des régions que tu ne connais pas, terres étranges, lointaines de mystères et de nostalgie, que tu désires et où tu ne pourrais pas vivre. Vois ce beau jardin là-bas, qui hors de la gaine d'un mur blanc émerge, bouquet de verdure, d'or et de toutes les couleurs dont se peignent les fleurs en tel printemps prématuré. Les branches, les palmes molles, les feuilles en touffe ou en guirlande, les myrtes parmi les dattiers, les figuiers, les orangers et les citronniers décorés de leurs fruits, les rhododendrons énormes et leurs euphorbes monstrueuses composent un paradis terrestre aussi plaisant pour toi que celui de Bruegel, où Rubens a nacré la grâce chère d'une Ève et d'un Adam. Car l'imagination des hommes aime une nature différente de la campagne natale, et moi-même, Je n'ai goûté vraiment qu'après mon arrivée à Rome le charme du souvenir que m'avaient laissé les prés, les collines et les champs de mon village. Et alors, ô Virgile, tu fus célèbre, tu devins le poète à la mode, pour recommander à des citadins les agréments et les mérites du labourage. Il sourit avec indulgence et continua. Gravis cette pente, et bientôt arrête-toi à quelque distance d'un large pin aux rameaux lourds. Le terrain se courbe avec grâce. À chaque détail du décor, un autre détail correspond. Les lignes sont belles et simples. La mer est au fond, encadrée d'architecture à demi détruite mais encore fière. Attends que vienne le soir un peu, et tu verras un paysage de votre poussin. Tu le verras bien, car nul peintre ne doit être mieux intelligible aux esprits de chez vous. Plus tard, quand le soleil se couchera, un Claude gelé rayonnera dans cette gloire lumineuse, ou bien la prestigieuse folie d'un Turner. Oh, Virgile, tu me cites des noms qui, de ta part, me surprennent. Je me surprends moi-même, quand je songe à ce qu'est devenu Virgile après la mort de Virgile. Depuis le temps où j'écrivais jusqu'à ces jours présents, on a lu mes poèmes de telle sorte qu'il ont surgi mille pensées qui m'étaient inconnues. Ah, de quels commentaires généreux, sublimes et absurdes, on m'a gratifié. Je fus au Moyen-Âge prophète, et entre Ézéchiel et Jérémie, bénévole annonciateur de Jésus. Mon image est aux vitres, aux pins de vos cathédrales et parmi les statues des portails. Puis, votre ingénieux Michelet me fit sentimental et humanitaire au milieu des précurseurs d'une république sociale. L'œuvre d'un poète est comme un site, complaisante aux rêves des générations successives. Mais toi, si tu es sincère, avoue que ce verger d'olivier, où un instant tu voulus favoriser la renaissance d'une églogue, te ferait penser, les circonstances y prêtant, à un autre jardin d'olivier, où un jeune dieu au désespoir pria à son père dans l'ardeur d'une mortelle nuit. Virgile se tut un moment et il reprit. La nature est toute pleine de poètes, de peintres et de dieux. Elle est toute pleine du songe innombrable des siècles. Ainsi elle se transforme sans cesse. Elle ne peut durer pareille à elle-même. Et Virgile, souriant et grave, conclut. L'éternité n'est nulle part. Qu'est-ce que l'éternité ? Je répliquai. Ô Virgile, j'appelle l'éternité la lenteur du temps quand les heures sont belles. Il me salua avec courtoisie et disparut. Ainsi s'achève Virgile à Bordighera par André Bonnier.